l'heure où le hip-hop sombre dans la bêtise et la banalité, délabré par son manque d'originalité, un jeune super-héros qui se prétend l'allié du RAP défie tous les MC, prétendant être le boss. Inutile de me présenter, MUGL, merde, je l'ai quand même fait. Ça devient une putain d'habitude. Là, je viens représenter RA2PL avec la classe et l'attitude. Ouais, c'est une de mes aptitudes. Je prends de l'altitude, redresse le rap quand il titube. Les dégâts prennent de l'amplitude et accentuent ma solitude. Seul pour le seul frère, ouais, pas une multitude. Juste à place au sommet, ouais, j'ai créé des foutus tubes. Et c'est ainsi, oh oh, que je deviens le bon boss. Hey, hey. Le roi du hip hop, le tenant du titre. The best of the rhyme, the best of the beat. Je n'ai pas grand chose à raconter concernant ma vie personnelle. Malgré ça, je vais t'exploser comme une mine antipersonnelle. Ta musique n'a rien d'extra, mais la mienne est exceptionnelle. Je contente pas d'un levé de bras, je vais dans le sensationnel. Pareil que tu survoles le rap, hein, c'est ce qu'on dit. Donc j'envoie des roquettes pour que tu te craches. Pareil que je te file un doigt mer, MC. C'est un quelques rimes assaisonnées que je recrache. Pareil que t'as jamais peur, alors pourquoi tu te caches? Pareil que je suis le meilleur, même qu'on scratch. Ma piste de best. Les rappeurs me détestent, ils me fuient comme la peste. Il a la classe et son niveau est bien haut. Dis-moi qui domine le rap, admire ma force de frappe. J'embarque mon mic et ma cape, Mucke, je suis le boss. Il est le boss et ses niveaux seront bien haut. Dis-moi qui est-ce qui dérape, que je m'occupe de son cas. J'ai le flow qui t'écarte, Mucke, je suis le boss. Je brille dans la nuit comme une étoile filante. Le hip-hop se réchauffe selon mes théories, car je fous le feu à ta musique horripilante. Je m'écrase sur le rap comme une météorite. Style hétéroclite, j'écris mes textes en hiéroglyphe. Et seul ceux qui apprécient peuvent me comprendre. Si tu te crois Superman, je suis la kryptonite. Je fais bouger la planète comme les plaques tectoniques. Mon rap est tonique et tonique, si étonnant tant onirique. Tantôt brutal, tantôt lyrique et parfois mes larmes lyriques. Tu prennes forme, tu prennes vie, oui, t'en croirais pas tes iris ni tes pupilles. Si tu le voyais là, tu le trouverais plus qu'irrésistible. Regarde texte illisible et si risible. Matre classement des meilleurs sons, y'a que Mugen sur le listening. Are you listening? Yeah, you heard what I was saying. I can even rhyme in English, you know that I'm insane. Je suis le rappeur assigné, vu la mission qu'on m'assigne. J'ai trop d'MC à saigner, c'est bien mon nom sur l'enseigne. Je dégomme du premier album, ouais, va te renseigner. Me battre ma baffe, c'est même pas la peine d'essayer. J'ai la classe et pas qu'un peu, j'ai de l'ego et des tripes. Mais contrairement à toi, je me la pète quand l'ego trip. Je trime, je frime, je t'arrache les tripes. Je m'applique, me multiplie, imagine Mugen en triple. Il a la classe et son niveau est bien haut. Dis-moi qui domine le rap, admire ma force de frappe. J'embarque mon mic et ma cape, Mugen, je suis le boss. Il est le boss et ses rivaux seront bientôt. Dis-moi qui est-ce qui dérape, que je m'occupe de son cas. J'ai le flow qui t'écarte, Mugen, je suis le boss. Je survole le hip-hop, mon niveau est au-dessus. Et ça tu le sais, dis-moi t'es déjà déçu. Dis-moi qui domine le rap, admire ma force de frappe. J'embarque mon mic et ma cape, Mugen, je suis le boss. Je domine à vous le lève, si sont pas ma merci. Dans ce rap si sombre, je suis la seule éclaircie. Dis-moi qui est-ce qui dérape, que je m'occupe de son cas. J'ai le flow qui t'écarte, Mugen, je suis le boss. Malgré son manque de notoriété, Gun est le boss.